être une personne que c'est ça qu'on veut être? Ça dépend des cas. C'est, disons que moi, je voudrais être une certaine manière, puis je suis pas capable de les réussir. Ça va vous frustrer, ouais. Mais ça, il faut que vous le dépassiez, ça. À l'affaire de, d'être maniaque à nettoyer les vitres avec des aiguilles, là. Ouais. Des coins, là. Ouais. Du point d'être rendu à, vous ne pouvez pas laver, ça me fout. Ouais. D'abord que je peux voir. Mais c'est ça que c'est pas normal. Quoi, c'est pas normal? Ben, c'est pas normal de filer le monde. C'est de sortir de, d'un ventre. Alors, ce qui arrive, c'est sale, là. Ouais, ouais. Mais je veux dire, elle nous fait bien marquer, c'est pas sale. Non, non. Mais je veux dire, avant, là, les vitres, fallait qu'ils soient tellement polis que ça a déjà arrivé que quelqu'un passait à travail, il pensait qu'il n'y avait pas de vitres. Tandis qu'aujourd'hui, ils savent bien de vitres. Là, si je ne me lève pas à 7 heures, c'est grave. Je me lèverai, mais ça me tente. C'est ça, la différence. Puis, que si je reviens de mon souper, ben, bon, je voulais pas manger, manger dans la mais ça, c'est ça, avant, je voulais que ça soit tellement parfait que j'en étais malade tout le temps. Oui, ça mène à la maladie, c'est normal. Je suis malade, je suis pas bon, c'est pas bon. C'est ça. Il y a rien là. Ouais, mais c'est normal, ça. C'est-à-dire que, éventuellement, vous allez arriver au juste milieu. Comme là, on est rendu avec trois chambres, il y en a deux fois qui marchent pas. Le point est de comprendre le principe. Puis après ça, vibratoirement, vous allez en arriver au juste milieu. Quand ça ne fait plus rien, c'est bon. Quand ça vous fait plus rien, c'est bon au niveau de votre esprit. C'est pas nécessairement bon au niveau du repas. Ça nous fait plus vibrer. Ouais, vous en souffrez pas. On l'accepte. Ouais. C'est ça. Faut passer d'un bord à l'autre. Mais est-ce qu'on fait toujours ça d'un extrême à l'autre avant de tomber sur le milieu normal? Il dit, ça c'est bien intéressant. Il dit que quand vous passez d'un extrême puis que vous allez à l'autre extrême, ce que vous appelez l'autre extrême, vous autres, c'est à ce moment-là que vous êtes rendu au milieu. Oh mon Dieu! Mais avant que vous puissiez accepter le milieu que vous considérez vous autres comme un extrême, ça vous prend quelque temps encore. Puis après ça, vous êtes au milieu. Quand tu dis que t'en as qui vont, on va dire, comme dans cette vie-ci, qui vont transmuter, là. C'est bon. Il y en a qui vont mourir, t'as dit tout à l'heure, qui vont réincarner dans la sixième race. Puis t'en as qui mourront pas, là, qui vont passer l'autre bord, pourquoi, là. Bon, ceux qui vont réincarner, ils vont être appelés à transmuter pour parce qu'on peut passer tout le bord, non? Ceux qui vont réincarner en sixième race vont être prêtes. Le problème en sixième race, c'est que les âmes vont être, ils vont empêcher de l'autre côté des incarnations retardataires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incarnations présentes qui se font parce que tout le monde se lance, là, tout le monde veut descendre en matière. Mais au cours de la sixième race, les incarnations vont être très, très sélectives. Ça va être les âmes les plus évoluées qui vont revenir dans la sixième race pour retarder l'évolution de la sixième race. Mais d'ici à ce temps-là, mais là, c'est le bordel, tout le monde rentre, tu sais. C'est pour ça qu'on a toutes sortes de phénomènes qui se passent dans notre société. Ouais, mais là, il vient de me dire, là, si attendre trop longtemps, je pourrais pas transmuter, faut être voulu mourir avant. Oui, mais si on a des petits, on va dire que je suis revenu. Les jeunes, là. Ils vont pas mourir. Dépêchez-vous. Ah, il a dit à mon âge, j'ai pas de temps à perdre, moi, là. C'est ça, vois-tu, c'est ça, nous autres, là, c'est le facteur temps. On s'imagine qu'on n'aura pas le temps. Vous imaginez que vous n'aurez pas le temps parce que vous pensez en termes d'âge. Puis vous pensez en termes d'âge parce que vous ne réalisez pas le pouvoir de la vie. Si vous réalisiez le pouvoir de la vie, vous réaliseriez que la vie, c'est plus puissant que le temps. Puis c'est pour ça que ces choses-là sont cachées à l'homme, parce que l'homme ne peut pas connaître le pouvoir de la vie. Parce que tu connais le pouvoir de la vie quand tu es dedans. Fait qu'automatiquement, là, tu peux voir les possibilités de la vie. La vie, c'est la vie. C'est plus ça, la vie. Mais l'ego doute de la vie. Parce que l'ego, c'est l'ego. C'est plus ça, la vie. Des fois, c'est le mien, des fois, c'est le mien. C'est pas...

C'est pour ça que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai quand tu dis qu'il n'y a plus rien après toi. Non, il n'y a plus rien après moi. Il n'y a plus rien. On ne peut plus s'appoigner dans rien. Non. C'est pour ça, ils ont beau nous essayer de nous attirer dans des mouvements, dans ci, dans rose croix, dans ça. On n'est pas capable. Non. On ne sait pas. Non. Parce qu'une fois que les femmes sont détruites, qu'est-ce qu'il y a? Détruire les femmes, qui c'est qui reste? Ouais. C'est une autre école, ou c'est un autre Messi, ou c'est un autre si, ou un autre capoté qui arrive. Si, si y a plus de femmes, tu peux plus être pogné. Il est mieux d'être le vrai. Là, quand ça va être le vrai, là, vous allez savoir. C'est vibratoire. Sans ça, ça finit plus. Qu'est-ce que c'est, t'as dit? Comment ça, tu vois? C'est comme si, voyons donc. Ah, oh, c'est subtil, moi. Ah, c'est subtil. La vibration du doute, la vibration du doute, la vibration du vrai, la vibration du faux. Faux. Vous devez en arriver à être dans la vibration du vrai, du faux et du doute. T'en es que... Plus dans le vrai, puis dans le faux, puis dans le doute. Dans la vibration. Vous allez passer par la vibration du vrai, la vibration du faux et la vibration du doute. Quand vous allez être totalement neutre à la vibration du vrai, du faux, puis du doute, vous êtes dans les... vous allez être dans la lumière. Ce qu'on appelle la lumière, ça. Ben oui, la vibration, t'écoutes une vibration, tu le fais, là, tu le dis. C'est ça, différemment. Puis après ça, tu dis... Là, tu peux couper n'importe quoi. Tu peux couper n'importe quoi. Tu peux détruire n'importe quelle forme, enlever une forme, trancher une forme, suivant ce que t'as besoin. Ça, je l'ai envie de se le gazon si tu fais. Tu sais? C'est ça. Pense. Mais c'était que... C'est ça, l'état de l'humanité. Quand je vous dis que l'humanité était embarquée depuis 10 000 ans, ça vous lui demande, d'accord, OK. Mais... Faut qu'il mène dans ça. On est arrivé à la sixième race. Faut qu'on en sorte. Faut qu'on sache, nous autres, ici, la matière. Pis c'est dû, parce que c'est eux autres qui nous ont rentré là. C'est dû, c'est dû, simplement c'est dû. C'est dû, certain. Je sais même ce que vous autres. Je le sais. J'ai les choses dans la main. Tu vois? J'arrête. Ouais, je sais. Écoute bien ça. Suis la vibration qu'il te donne quand je te parle. Mettez-vous au nœud, vous autres, occupez-vous pas de ce que je dis. Écoute bien ça. Enregistre pas ça. Jamais l'affaire de l'ego. La vie. La vie, c'est jamais l'affaire de l'ego. Mais c'est l'affaire de l'ego tant que t'es pas dans la vie. Quand t'es dans la vie, c'est jamais l'affaire de l'ego. Puis c'est un culte en maudit, ça. Ça veut dire, je crois que tu sois avec l'âme. Puis... totalement. Il y a plus... non. Quand il y a une baisse de pavillon, comme tu dis. Ouais. C'est plus l'affaire de l'ego. Mais il est obligé de capituler à un moment donné, parce que ça se détruit tout, les points. C'est ça. Quand je vous dis, moi, il faut qu'on arrive à comprendre tout, je veux pas dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre tout avec notre intellect. Je veux dire qu'il faut en arriver à être totalement dehors de la forme. Là, tu comprends tout. Parce que là, t'as plus rien à comprendre. Fait que tu comprends tout. Puis c'est dur à l'ego de comprendre ça. Parce que c'est totalement anti-ego. C'est anti-ego. C'est anti-pensée. C'est anti-forme. C'est pas l'affaire de l'ego, la vie. C'est eux autres qui te nourrissent. Hein? C'est toujours eux autres qui te nourrissent. Quand tu te demandes une question, c'est eux autres qui te nourrissent. Quand tu te donnes une réponse, c'est eux autres qui te nourrissent. C'est toujours eux autres qui te nourrissent. Mais tant que l'ego est là, il veut se nourrir. L'ego a pas l'affaire à se nourrir. L'ego, d'abord, c'est totalement instable. C'est totalement instable, l'ego. C'est émotif. C'est émotif. Parce que tu fais partie du mal. Pardon? Ça fait partie du mal. L'ego fait partie de la construction des états lucifériens. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Il s'en fuit. Il capte tout, lui. L'ego. N'importe quelle parole, lui. L'ego, c'est malade. C'est automatiquement malade. Autrement dit, c'est malade dans le sens que c'est lié à la forme. Puis la forme est en dehors de la mienne. C'est ça. C'est ça. Faut que sa mémoire soit chère. C'est pour ça qu'il faut en perdre. C'est ça. Quand tu perds la mémoire à tes mains, mais aussitôt que tu l'as, cette maudite mémoire-là, hein, ça te revient. Tu m'y jettes dessus, puis l'émotion rentre là-dedans. C'est pour ça, quand il vient, l'ego a participé avec l'âme et l'esprit divin, disons, là.

Plus rien qui marche. Là, tu te demandes si tu avances. C'est là que vous allez vous demander si vous avancez ou si vous reculez. Ou si... Coudon, de la façon que je réagis ou de la façon que je me sens, j'ai pas encore avancé, moi, dans cette bebelle-là. Ouais. Je vous doutez, oui, ça, ça. La frustration nous rend agressif. La frustration vous rend agressif. Jusqu'à temps que vous l'ayez détruite. Les... Ça, c'est le changement d'énergie astrale en énergie mentale. Notre vie ne nous appartient pas. C'est une grande illusion de l'ego, ça, que notre vie nous appartient. Puis tant qu'elle nous appartient, ben, on en souffre. Quand on ne nous appartient plus, on n'en souffre plus. Ouais, ça, je l'ai pas. Là, on agit, là. Je pensais, moi, que ça me... On a l'impression qu'on vient, on capote quand ça arrive, ça. Mais normalement, là, où j'aurais été frustrée, là, face à une chose, disons qu'il y a eu frustration peut-être d'une minute, mais j'ai vu clair que j'avais un mouvement à faire, j'ai fait. Puis je me suis sentie comme libérée, j'ai la peine. Mais là, alentour de moi, ben, j'ai l'air dur, la façon dont j'agis. Tiens, on me le dit, puis j'ai l'air dur. Mais je garde ma paix quand même, mais à un moment donné, il faut pas que tout... Que ça... Ça fait toujours partie de ton expérience. C'est normal, c'est...